Chapitre 4. Al-Jannah, le paradis. Après le souper avec sa mère, Karim téléphone. « Bonsoir, es-tu libre? Puis-je venir chez toi ?»« Oui, bien sûr, viens, » répond une voix douce. Karim sort de l'appartement, entre dans l'ascenseur vieilli de l'immeuble et monte au dernier étage, le 10e. Là se trouve Al-Jannah. C'est le nom donné par Karim à l'appartement à cause de sa position tout en haut de la tour et pour d'autres motifs qui seront connus plus loin. Il trouve la porte semi-ouverte. Devant elle, à chaque arrivée, Karim éprouve une agréable sensation de liberté et de pureté. Elle lui rappelle les moments où il parvenait au plus haut sommet d'une montagne en plein été. « Entre !» invite gentiment la voix d'un homme. Karim avance à l'intérieur de l'appartement. Il est petit. Un salon, une chambre à coucher, une cuisine, les toilettes et un balcon. Tout est modeste, mais propre et bien arrangé. Durant le jour, un ciel et un soleil répandent partout leur lumière sur les murs blancs. D'une large fenêtre au balcon se voient, tout proche, les autres immeubles, et au loin, la majestueuse montagne Montjaju. L'habitant de cet appartement l'a choisi le plus haut par, avait-il dit une fois à Karim, besoin d'offrir à mes yeux l'espace le plus large, et mes oreilles le moins de bruit possible. En outre, quand les nuages sont bas, j'apprécie beaucoup leur voisinage, en regrettant qu'ils ne descendent pas plus bas encore, afin d'aller m'asseoir sur l'un d'eux, et ainsi voyager dans l'air. Et puis souvent, j'ai le plaisir d'entendre les charmants cris de mouettes. De la mer, elles viennent jusqu'ici pour chercher leur pitance et aussi jouir de l'espace disponible. Je vais alors à la fenêtre d'où je contemple leurs éblouissants balais, toutes ailes déployées. Ah, être une mouette, ne serait-ce qu'un instant, et même toute une vie. Ces mouettes ont l'infime privilège d'ignorer ce qu'est la méchanceté humaine. Karim apprécia ces observations. Elles lui ouvrirent un horizon mental très fructueux. À l'intérieur du logis, aucun objet superflu, rien que le strict nécessaire. Pas de télévision. Les éléments les plus importants sont une large table de bois marron. Sur elle trône un ordinateur entouré de quelques livres, d'une imprimante et d'une rame de feuilles blanches. En face, contre un mur, un petit divan et deux fauteuils, vieux mais confortables, de couleur marron, en joli contraste avec la blancheur du reste. Près d'eux, une table basse, du même bois que celle de travail, et des pots de mouton pour s'asseoir. Le balcon est agrémenté d'une sorte de jardin où sont plantés des oignons, des tomates, du persil, de la menthe. Une poule, un coq et des poussins se dandinent librement. « Bonsoir, cher Karim, » dit Silafid. « La promenade a été bonne aujourd'hui ?» demande le nouveau venu. Il sait que le vieillard fait quotidiennement de la marche, et même de la course lente sur le pourtour du stade, situé à une dizaine de minutes de la tour. Karim connaît l'essentiel de la vie de ce voisin. Elle fut racontée par lui-même lors de leur première rencontre. Il déclara avec simplicité « J'ai bourlingué dans divers pays d'Europe et même d'Extrême-Orient. Depuis 5 ans, je suis revenu au nid où je vis, la première fois, la lumière terrestre. Par nid, j'entends non pas cet appartement, mais ce quartier. Disposant d'une maigre pension suite à mes années de travail comme enseignant de langue française en Italie, je passe mon temps à lire et à écrire sur un ordinateur portable, mon seul luxe. Autrement, je fréquente le marché, pour alimenter le corps et rester informé sur les prix de base. J'ai plaisir également à aller au bar du quartier, pour entretenir les relations humaines nécessaires avec des personnes qu'on appelle ordinaires. Ils sont ma tribu d'appartenance et ma source officielle de contre-information vraie. » L'homme, parvenu à l'automne de sa vie, avoue à son jeune ami un autre plaisir très apprécié. Souvent, assis au bar ou penché à sa fenêtre, en haut de la tour, il contemple longuement et avec une très douce nostalgie des petits-enfants. Il joue en fin d'après-midi sur la place ou dans ses proches environs. Alors le vieillard se plaît à retourner à l'époque de son enfance. Lui aussi, tout petit enfant, il s'amusait comme eux, avec un ballon dégonflé, modestement vêtu, le corps maigre, mais heureux, si heureux. « Et, déclara-t-il à Karim, est-ce étrange? Plus mon existence s'approche de sa fin, plus j'éprouve du plaisir à me rappeler le commencement. » En regardant les enfants qui s'amusent, je me vois parmi eux et je m'efforce de me rappeler mes sentiments d'alors, mes plaisirs, mes joies. En outre, Silafid aime observer les gens qui passent. Pour moi, dit-il, c'est une leçon pratique de vie parmi d'autres. Par exemple, je remarque certains curieux résultats de l'islamisation outrée des accoutrements. Celles et ceux qui ont adopté une forme de djellaba moyen-orientale ont généralement la panse rondelette et leur démarche est dandinante, rappelant celle des canards. Quant aux femmes, beaucoup résistent à la condamnation aux funestes et les voiles noires, rappelant la chauve-souris. Elles portent alors des habits certes de style musulman, mais de couleur élégante, chatoyante. Elles manifestent de manière éloquente le charmant désir féminin de cultiver la beauté, quelles que soient les circonstances. Enfin, souvent, le soir, tard, vers minuit, l'habitant du 10e étage conclut sa journée en allant à la fenêtre de son balcon. De là, il lève les yeux vers le ciel, en admire la beauté noire, sa profondeur, puis laisse son imagination deviner l'infini au-delà. Cette observation rappelle à Sylapide la relativité de l'existence humaine et le devoir de l'apprécier à sa juste mesure. Puis, le philosophe nocturne baisse le regard vers la terre. L'image silencieuse et déserte de la place, des magasins fermés, des rues avoisinantes et des tours plongées dans l'obscurité exerce sur Sylapide une fascination d'une extrême douceur. Plusieurs fois, il a tenté d'éclaircir le motif de cette attraction sans y parvenir. Il se satisfait alors de la jouissance que cette vue lui procure. C'est son médicament pour s'endormir paisiblement. La confession de Sylapide rappela à Karim en contraste son propre père. Il était ouvrier dans une usine métallurgique. Écrasé de travail, il n'avait pas le loisir d'aimer ses enfants selon leurs besoins, encore moins de leur offrir les connaissances nécessaires pour affronter l'impitoyable société. Après 27 années de labeur, à ramasser chaque jour de très lourds morceaux de métal, sa colonne vertébrale s'était usée. Il tomba malade, endura d'atroces souffrances, puis, heureusement pour ainsi dire, mourut rapidement. Karim en resta profondément traumatisé. Plus grave, il s'est senti coupable de n'avoir pas su offrir à son père une existence moins pénible. « Je n'ai pas su honorer ma dette envers celui qui m'a donné à manger quand j'étais incapable d'assurer par moi-même ma nourriture. » Selon l'expression de Karim, c'est une des casseroles qui fait du bruit dans ma mémoire. « Assieds-toi là, » dit Sylapide à Karim. Les deux se mettent sur les fauteuils, l'un en face de l'autre. « Veux-tu un verre de boisson chaude, la traditionnelle ?»« D'accord, merci. » Le vieil homme se lève, prend quelques feuilles de menthe de son jardin, revient, met sur la petite table de verre rempli d'eau chaude où flottent de belles feuilles vertes et se rassoit. L'hôte a remarqué l'expression préoccupée de son jeune ami. Il lui sourit avec cette expression de chaleureuse bienveillance à laquelle Karim est profondément sensible. « Alors, comment ça va ?» lance cordialement Sylapide. « Va bien, » avoue Karim, un peu embarrassé. Il est habitué à rendre visite à son vieil ami pour discuter avec lui. Ce qu'apprécie Karim, c'est la totale et touchante modestie de l'homme, quoique beaucoup plus âgé, plus instruit et plus expérimenté. À chaque rencontre, il commence par s'enquérir de la situation et de l'état d'esprit de son invité, ne lui formule jamais des conseils sans être sollicité. Il se contente de demander l'avis de son interlocuteur. Sylapide explique ainsi son comportement. D'abord écouter pour savoir, ensuite quoi dire. Chaque jour est une occasion pour apprendre, de la part de chacune et de chacun, surtout celles et ceux maltraités par la vie. Karim sait qu'avec cet homme réellement sage, il ne faut pas tourner autour du pot, mais aller droit au but, en appelant un chat un chat. « Je viens, dit-il, d'avoir une discussion avec ma mère au sujet du suicide de notre voisin Sylagdar, l'ex-Mujahid. Ce qui m'attriste, en plus de cette mort, que je ne parviens pas à comprendre, c'est la terreur de ma mère. Elle est angoissée par ce qui se passerait après sa mort. Subir les pires tortures de la part de Hazrin, selon ce que les imbéciles charlatans lui ont fait croire. Pourtant, ma mère auparavant pratiquait sa foi de manière raisonnable et positive. Je ne comprends pas ce revirement négatif. Oh, dit le vieillard, il ne manque pas de personnes extrêmement instruites, même des philosophes et des savants, qui d'abord manifestaient une indifférence totale concernant la religion. Cependant, vers la fin de leur vie, tout proche de la mort, ils découvraient brusquement une foi de néophyte. Comment expliquer cela ? Veut savoir Karim. Je ne vois pas autre chose qu'une soudaine et étrange peur de ce qui pourrait advenir après le décès. Cette crainte me semble provenir d'une forme de puérilité prétentieuse, croire à l'immortalité de l'âme. Quant à expliquer cette mystérieuse illusion, la science n'y est pas encore parvenue. Toi, reprend Karim. As-tu une hypothèse explicative ? Pour ma part, répond le vieillard, je vois la cause de ce phénomène dans l'insuffisance d'un esprit pour raisonner de manière réaliste et objective. C'est-à-dire, eh bien, comment peut-on croire à l'immortalité de l'âme qu'une chose immatérielle reste après la dissolution du corps ? Où est la preuve concrète de cette âme et de son immortalité ? Toutes les conceptions affirmant ces deux choses ne fournissent aucune preuve convaincante. Elles montrent seulement que l'être humain se plaît à se croire éternel d'une certaine façon. N'est-ce pas là une vanité ? Cependant, payée très cher, car combien de tourments elle cause. Elle ne fait que ruiner le plaisir de vivre, en acceptant la modestie de savoir que l'on vient du néant pour aboutir au néant, et que notre seul pouvoir est d'accomplir notre passage sur ce caillou de l'univers de la manière la plus heureuse. Ce discours, je l'ai entendu auparavant, impressionne profondément Karim. Il se promet d'en continuer personnellement l'examen. Comme l'a explicité le vieillard, de la conception de l'âme dépend la qualité de vivre. Cependant, note Karim, cette explication ne peut pas être fournie à ma mère. Elle ne la comprendra pas. Elle la rejettera parce qu'elle remettrait en question le fondement même de son existence. Déjà moi, ce que tu as dit m'a ébranlé au point que je dois y réfléchir. Je te comprends très bien, convainc-il Lafide. J'en ai fait l'expérience moi-même dans l'adolescence. Quant à ta mère, hélas, tu as raison. Pour entendre ses considérations sur l'âme et l'immortalité, il est nécessaire de bénéficier d'une forte confiance en sa propre raison. Or, comment y parvenir sinon par l'instruction ? Et encore, pas n'importe laquelle, pas l'officielle, pas celle dominante, mais celle des esprits libres, aussi libres que puissants. Ils ont la modestie, plus exactement la sagesse, de limiter leurs affirmations à ce qu'ils se voient et se prouvent de manière rationnelle, tout en sachant que la science ne finira jamais de nous révéler des aspects de la réalité qu'on ignore. Toutefois, jamais ils ne se permettent l'arrogante imposture d'affirmer ce qui ne se prouve pas matériellement. Karim secoue légèrement la tête en signe d'acquiescement, tandis que son esprit emmagasine précieusement ce qu'il a entendu. Silafid laisse à son ami le temps de méditer ce qui vient d'être dit. Ensuite il reprend. « Et toi, Karim, que penses-tu du suicide de l'ancien Moudjahid ?» L'interpellé s'attendait à cette interrogation. « Je t'avoue, répond-il, que j'y réfléchis longuement, sans trouver de réponse satisfaisante. » Le vieil homme le relance. « Que vaut-il mieux, une vie indigne ou une mort digne ?»« Certainement la seconde. » « Alors selon toi, pourquoi Sil Agdar a mis fin à sa vie ?»« C'est ce que je suis venu te demander. » Bien entendu, Sil Afid a déjà médité sur cette tragédie. Néanmoins, il préfère encore solliciter son interlocuteur. « N'as-tu donc pas une idée, toi, là-dessus ?» La seule qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Sil Agdar a fini par être fatigué de combattre en restant toujours isolé. « Et, ajoute le vieillard, la mort de son épouse, dans les conditions épouvantables d'un cancer des poumons. Ne penses-tu pas que ce malheur a pu avoir son importance dans une personne comme Sil Agdar, en sachant que lui et son épouse formaient un couple très uni ?» Je n'y avais pas pensé, se reproche Karim. Maintenant que tu me le rappelles, je crois que c'est le coup le plus dur qu'il a subi. Cependant, pour un homme comme lui, résistant de tout temps et musulman, se suicider. Ta question est légitime. En effet, des éléments te sont inconnus. Les voici. Un soir, Sil Agdar vint chez moi et se confia. Je me rappelle presque fidèlement ses paroles. Il déclara : Ce qui est arrivé à ma compagne de vie m'a tellement ébranlé que ma foi religieuse s'est écroulée. Puis il expliqua d'un ton véhément, scandalisé et indigné, mais sans colère, car Sil Agdar savait parfaitement se maîtriser et raisonner de manière calme. Comment croire en un Dieu s'il manque de perfection et de bonté ? Où sont-elles quand une créature humaine, mon épouse, peut être atteinte par une maladie si atroce et disparaître avant sa vieillesse naturelle ? Dès lors, quel est le sens de la vie humaine ? Et si l'on me déclare, seul Dieu sait ce qu'il fait. Poser des questions est un blasphème. Chercher à comprendre un mystère de la volonté divine est impie. Je réponds. Et ma raison, à quoi sert-elle ? Et le principe de bonté, à quoi sert-il ? Et l'exigence de perfection divine, qu'en est-il ? Ou alors, il faudrait me réduire à un idiot auquel il est interdit de comprendre. J'avais lu le témoignage d'un déporté dans un camp de concentration nazi. Ici, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a rien à comprendre. Et l'on voudrait que ce soit ainsi pour l'existence humaine, un camp de concentration dont Dieu serait le sadique commandant. C'est alors que j'ai compris le sens de cette légende. Dieu aurait condamné Ève et Adam parce qu'ils auraient mangé de l'arbre de la connaissance. Ce Dieu voulait donc des créatures ignorantes. Et ce Dieu serait la perfection même? Non, je refuse de m'abaisser jusqu'à cette imbécilité la plus abjecte. Plutôt être une bête sauvage. Elle, du moins, ne bénéficie pas de raison et n'a pas la possibilité de s'instruire et de savoir distinguer le bien du mal. Cependant, moi, je ne suis pas une bête sauvage. Dire que Karim est profondément frappé par ce qu'il vient d'entendre ne suffit pas à exprimer tout ce que cette déclaration a d'impact sur son esprit. Lui aussi en est totalement ébranlé. C'est la base même, la racine de sa foi qui en sont fracassées. Karim en ressent une espèce de vertige, mais il se contrôle, se voyant dans la situation d'un malade qui doit affronter avec courage la douleur causée par les soins portés à sa blessure saignante. À ce moment précis, les haut-parleurs des trois mosquées environnantes lancent leurs tonitruants et entremêlés appels à la prière. Pour la première fois, chez Karim, ces appels ont un sens contraire à l'habituel. Si la fille s'aperçoit du trouble de son jeune ami, qu'y a-t-il ? Karim se ressaisit. « Ces appels ? » murmure-t-il sans continuer. « Oui, ces appels ? » Pour la première fois, je les ressens comme des appels à une soumission aveugle. Le vieillard sourit puis réplique. « Oh, tu sais, pour moi, ces appels me remémorent l'époque de la guerre de libération nationale. Alors, l'armée coloniale avait quadrillé les quartiers des villes de haut-parleurs, comme actuellement, ils le sont par ceux des mosquées. Ceux de l'armée coloniale diffusaient des musiques, des chansons et des appels en faveur de la prétendue pacification pour se soumettre au système colonial. Aujourd'hui, les haut-parleurs appellent à une autre forme de pacification, celle d'accepter l'oligarchie qui domine le pays. Dès lors, faut-il s'étonner que la multiplication des mosquées n'a pas eu comme résultat une meilleure conscience citoyenne, mais une pire inconscience ? Il suffit de regarder les saletés qui jonchent nos espaces publics. Karim demeure silencieux. Le vieillard respecte ce moment de pause afin de permettre à son jeune voisin de bien s'imprégner des paroles prononcées et de les méditer. Puis, Sylagdar reprend. La confession de Sylagdar ne m'a pas étonné. Je le connaissais suffisamment pour savoir que sa conception de la religion n'était pas vulgaire. Un jour, un voisin lui demanda « Pourquoi un vieux moudjahid comme toi ne va pas à la prière collective du vendredi à la mosquée ?» Sylagdar répondit « Tu admets que Dieu est tout-puissant ? Certainement. Par conséquent, il n'a besoin de rien, n'est-ce pas ? Évidemment, répondit l'autre. Alors, continua Sylagdar, un tel être a-t-il besoin de se faire prier ? Ne sait-il pas ce qu'il doit faire à ses créatures sans qu'elles le lui demandent, en s'agenouillant et en se frappant le front contre le sol 5 fois par jour ? L'autre, totalement interloqué, ne sut quoi répondre. Sylagdar conclut. Par conséquent, Dieu est quelque chose qu'on possède au plus profond de soi-même, en une relation directe et intime. Tout le reste est secondaire. Quand ce n'est pas futile cérémonie de villes opportunistes chez les uns, et chez d'autres, ignoble manipulation de la naïveté et de l'ignorance du peuple. Je dirais même, dans les deux cas, qu'il s'agit d'une vulgaire insulte à ce qui est présenté comme un être se suffisant à lui-même et sachant ce dont ses créatures ont besoin. Sylagdar se tait quelques secondes, puis ajoute. Quelques jours avant son suicide, Sylagdar est venu me rendre visite. Il s'est assis sur le fauteuil où tu es installé maintenant. Il était là, très là, comme je ne l'ai jamais vu. Il demeura longtemps silencieux. Je respectais son mutisme. Il finit par murmurer d'une voix altérée par une amertume poignante. Les gens de ma génération ont accompli leur devoir. Ils ont réalisé ce qu'ils ont pu, hommes et, ne l'oublions jamais, les femmes aussi. Malgré notre jeunesse, notre pauvreté, notre manque d'expérience, notre manque d'instruction scolaire, l'insuffisance de notre armement et contre tous les sceptiques, les lâches et les harkis, nous avons vaincu une armée coloniale infiniment forte en généraux super diplômés, en matériel et en hommes. Et nous avons conquis notre indépendance nationale au prix le plus sanglant. Malheureusement, des ambitions vulgaires en ont profité pour remplacer le colonialisme étranger par un néocolonialisme indigène. Nous nous sommes révoltés, nous avons continué la lutte contre ces vils profiteurs, hélas, sans succès. Le peuple, trop éprouvé par tellement d'horribles tragédies, ne nous a pas suivis. Il sortit dans les rues en criant « 7 ans, ça suffit !» alors qu'il fallait hurler « 7 ans n'ont pas suffi, continuons à lutter !» Envahi d'émotion par l'invocation de cette épopée mal finie, Sylagdar garde le silence. Karim remarque le voile d'infinie tristesse apparu sur le visage du vieillard. Un instant après, celui-ci se reprend et poursuit. Silagdar s'arrêta de parler et baissa la tête, terrassé par la honte. Par respect pour lui, moi aussi j'ai regardé vers le sol. Soudain, j'y vis tomber des gouttes d'eau, les larmes de Silagdar. Un instant après, je le sentis relever la tête. Je fis de même. Jamais de ma vie je n'ai vu un visage si douloureusement ravagé par le sentiment de l'échec. Silagdar parvint à murmurer. Et plus déplorable encore, nous n'avons pas su communiquer aux nouvelles générations la dignité qui donne la force et l'intelligence de poursuivre la lutte pour compléter l'indépendance nationale par la libération sociale. Égalité, liberté et solidarité restent à conquérir. Sans elles, tous les sacrifices se révèlent inutiles et nous en sommes responsables. Oui, nous. Rappelle-toi la fameuse phrase « Ceux qui font la révolution à moitié ne font que creuser leur propre tombeau. » C'est injuste. Silafine se tait encore une fois. « Mais, demande Karim, comment un simple Mujahid, puis gardien d'école, a pu avoir une conscience sociale si éclairée ?» Je lui formulai la question, et j'eus sa réponse. « Bien que d'origine paysanne pauvre et n'ayant jamais fréquenté l'école, expliqua-t-il, il a appris à lire et à écrire de manière autodidacte. Sa soif de connaissance était telle qu'il est parvenu à lire des livres. « Pour comprendre, m'a-t-il dit. » Sans savoir, pas de pouvoir. Mais je ne lis pas n'importe quoi. J'ai constaté que la majorité des livres sont superficiels. Ils ne font qu'augmenter la confusion dans l'esprit. Ce sont des poisons. Très rares sont les livres utiles. Lesquels, lui ai-je demandé? Les livres capables d'être un marteau brisant la glace qui gèle le cœur, dont le contenu laboure profondément les sillons du cerveau en y mettant les graines permettant la gestion harmonieuse de la vie. Il ajouta, notre plus grande défaite, c'est de n'avoir pas su offrir à nos jeunes le plaisir de la lecture et indiquer les ouvrages utiles, ceux qui font aimer l'égalité, la liberté, la solidarité. C'est de là qu'est venue l'affreuse régression intellectuelle. Elle a commencé par la domination militaire et s'est poursuivie par le culte de l'argent et l'illusion cléricale. C'est notre faute, à nous, oui, à nous. Nous n'avons pas su éliminer les saletés mentales, ni celles physiques. Alors les rats ont surgi de leurs trous et ont répandu la peste, celle de chacun pour soi et Dieu pour personne. » Encore une fois, Silafide s'interrompt afin de laisser les mots agir dans la conscience du jeune Karim. Ensuite, Silafide continue. « J'ai dit à Silagdar que j'appréciais et partageais son opinion. Au lieu d'accuser les adversaires, reconnaître d'abord notre propre responsabilité à nous. Nous restâmes alors silencieux. L'abominable sentiment de l'impuissance nous tourmentait. « Tu comprends mieux à présent la décision finale de Silagdar ?» Karim ne répond pas, se contentant d'une expression soucieuse. Son ami le relance. « Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant ?»« Quand je parle avec toi, je me rends compte combien mon ignorance est grave à propos du fonctionnement du monde, de la société et des êtres humains. Et je ne sais pas comment éliminer ce défaut. »« Oh !» répond Silafide d'un ton apaisant. Avec ton caractère, tu n'auras pas de difficulté à résoudre le problème. Tu sais déjà regarder les gens et toi-même de manière honnête, sans préjugés. Et tu veilles à raisonner de manière logique et objective. C'est là une très bonne base, un excellent point de départ. Le reste est une question de lecture. Le reste est question de lecture, de bons livres, comme disait Silagdar. Ils sont malheureusement très rares. Ah, combien j'ai perdu de temps avant de m'en rendre compte et d'apprendre à choisir ce qui vaut la peine d'être lu, dans la masse énorme de papier noirci. La vérité est une denrée rare, très rare, et vu que les marchands dominent la société, leurs marchandises ne comprennent pas la vérité sociale. L'idée de proposer quelque chose à Karim vint en tête au vieillard. Il se retient de la formuler, il préfère attendre la requête de son interlocuteur. Elle se présente spontanément. « Je souhaiterais bénéficier de ton aide. Conseille-moi des ouvrages à lire. »